الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, le Kitab al-Tawhid, avec le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Qurrat Uyun al-Muwahhidin et le commentaire du Cheikh Salih al-Fawzan At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Et on est au cours 31 aujourd'hui. Donc on commence inshallah, on est toujours dans l'explication du hadith de Itban rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah. Et donc on expliquait à ce sujet certaines conditions par rapport à la ilaha illallah dans le sharh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit wa mimma yani wa mimma quyidat bihi fi al-hadith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ghayra shakin fala tanfa'u illa man qalaha bi'ilmin wa yaqin liqawlihi sidqan min qalbihi خالصا من قلبه وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافات الشرك للإخلاص ولم لما دلت عليه هذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui ont également été des clauses ou des conditions qui viennent limiter ou restreindre le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qu'on a mentionné hier, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque témoigne de la ilaha illallah yani qu'il entrera au paradis. Eh bien, on a mentionné certaines clauses hier par rapport à ça, ou certaines conditions. Et parmi les conditions, on a mentionné al-ilm, la connaissance. On a mentionné aussi al-sidq, il faut avoir la sincérité ou la véracité. Et al-ikhlas, la pureté, l'intention et le fait d'être exempté de shirk. Et également al-yaqin, la certitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne soit dans le doute au sujet de cette parole. Et à ce sujet, justement, il dit le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ici que parmi les choses qui sont venues limiter ou restreindre le hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ghayra shakin, c'est-à-dire sans doute. Donc il ne faut pas que la personne ait des doutes. فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين. Donc elle ne peut, ça ne peut pas profiter la personne qui dit cette parole excepté si elle l'a dit avec science et certitude. Elle ne peut profiter excepté à celui qui l'a dit cette parole de la ilaha illallah avec science et certitude. Il dit également صدقًا من قلبه, c'est-à-dire avec véracité de son cœur. Il est sincère dans son cœur, il est véridique lorsqu'il le dit. خالصاً من قلبه, hein, il le dit sincèrement de son cœur. De même que celui qui dit cette parole alors qu'il n'est pas véridique, hein, alors qu'il n'est pas véridique dans sa parole, lorsqu'il dit la ilaha illallah, hein, il n'est pas véridique dans son cœur, il n'y croit pas. Alors elle ne lui sera d'aucune utilité, cette parole, au jour de la résurrection, parce que son cœur contredit sa langue, comme la situation des hypocrites, al-munafiqoun, ceux qui disent avec la langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Comme Allah il le dit dans le verset dans Surat Al-Imran, يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. وَكَذَلِكَ حَالُ الْمُشْرِكِ, hein? La même chose aussi, la situation pour le mushrik, la situation pour le mushrik, eh bien son témoignage ne sera pas accepté, hein? Le témoignage de la ilaha illallah ne peut pas être accepté du mushrik si la personne en question qui fait est en train de commettre le shirk, parce que le shirk vient en opposition avec al-ikhlas. Al-ikhlas qui est la pureté dans l'adoration, la pureté dans l'intention. Donc si par exemple quelqu'un il fait le shirk, il dit la ilaha illallah, et après avoir dit la ilaha illallah, il continue encore à faire le shirk, eh bien dans ce cas-là, son témoignage n'est pas valable et ne sera pas bénéfique ou profitable pour cette personne, parce que il faut que la parole soit mise en application, hein, dans la pratique et dans la réalité. Donc il dit le cheikh, cette parole, hein, de la ilaha illallah, eh bien elle prouve ou elle indique, hein, qu'il doit y avoir une négation du shirk de la part de la personne, hein, et il faut qu'il y ait un désaveu de la part de cette personne vis-à-vis du shirk et vis-à-vis de ceux qui font le shirk. Donc si la personne en question qui a dit la ilaha illallah ne s'est pas désavoué du shirk, eh bien dans ce cas-là, yani, son témoignage n'est pas en accord avec ce qu'il témoigne, avec la réalité. Son témoignage n'est pas en accord avec ce qu'il fait. والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. Donc il faut qu'il y ait une application et que ce soit concret. Lorsque la personne dit la ilaha illallah, il faut qu'elle le pratique. Et le cheikh il dit, وإن كان يقول, Cheikh Al-Fawzan il dit, وإن كان يقول لا إله إلا الله كعباد القبور فالمشركون الأولون أبوا أن يقولوها لعلمهم أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله والمشركون المتأخرون صاروا يقولونها وهم يشركون بالله عز وجل لجهلهم بمعناها. Donc le cheikh il explique, comme on a dit hier, que yani, beaucoup de gens parmi les adorateurs des tombes, ils disent la ilaha illallah, hein, de la même manière que les premiers d'entre les mushrikines de l'ancienne période, au début de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam au début et qu'il les a appelés au tawhid et à dire la ilaha illallah, ils refusaient de dire la ilaha illallah. Et la raison pourquoi ils refusaient de dire la ilaha illallah, comme on l'a expliqué hier, c'est parce que ils savaient ce que cette parole impliquait, ils comprenaient ce que ça impliquait de leur part, et ils savaient que s'ils disent cette parole ou s'ils témoignent de cette parole, et que ce qui est exigé d'eux, c'est de cesser de faire le shirk et de cesser d'adorer d'autres que Allah, ou de prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre eux et Allah. Et étant donné qu'ils n'étaient pas prêts à cesser de commettre le shirk ou à cesser de prendre des seigneurs en dehors d'Allah, donc puisqu'ils n'étaient pas prêts à cesser de faire le shirk, ils ont refusé de témoigner de, hein, la ilaha illallah. Donc ça c'est les anciens mushrikines, Tandis que les mouchriquines à notre époque, eh bien, ils continuent à dire la ilaha illallah et à faire le shirk en même temps. Parce que beaucoup d'entre eux sont ignorants de la signification de cette parole. Hein, et que cette parole-là signifie « Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ». Donc si tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors dans ce cas-là, pourquoi tu adores d'autres avec Allah ? Hein ? Pourquoi tu adores d'autres que Allah ? Si tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et le cheikh, il dit ensuite, كذلك حال المشرك. Il dit نعم والإخلاص لله وحده لا شريك له. أي نعم. والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. مطابقة للشيخ زيد دلالات ثلاثة أنواع. دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. وقد سبق البيان ذلك في النونية. وذكر الشيخ حفظه الله في تعليقه على النونية ابن القيم أن دلالة الألفاظ عند الأصوليين ثلاثة أقسام: إما دلالة مطابقة، وإما دلالة تضمن، أو دلالة التزام. لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه، يعني، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه. والمقصود أن لا إله أن كلمة لا إله إلا الله دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له، يعني دلالة مطابقة. Donc le cheikh explique que ici les preuves dans la charia sont de trois catégories et on peut les classifier de trois sortes, soit de mutabaqa, de tadammun et d'iltizam. Et il explique que yani ici par exemple le fait que la ilaha illallah soit une indication de la négation du shirk et du désaveu du shirk et une preuve de l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec pureté et de l'adorer lui seul et sans aucun partenaire, que ça fait partie de dilalatu al-mutabaqa, hein, c'est-à-dire l'indication d'une chose et de son sens complet, hein, de son sens complet. Donc ça c'est al-mutabaqa. Et il dit walam yakun kadhalika, wa man lam yakun kadhalika lam yanfa'hu qawluhu la ilaha illallah kama huwa halu kathirin min 'abadati al-awthan. Donc il dit si la personne elle n'a pas respecté cette signification de la ilaha illallah et de ce que ça implique, eh bien le fait de dire la ilaha illallah ne lui sera d'aucune utilité et ne lui profitera pas. Il dit comme c'est l'état de beaucoup d'entre ceux qui adorent des idoles à notre époque. Le cheikh dit wa abadatul awthan laysa al murad bi ashab al awthan al awwalin al murad bihim ashab al awthan alladhina yad'un al islam wal wathan كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو جن أو إنس كله يسمى وثن. Donc ici le cheikh dit comme c'est l'état de beaucoup d'entre ceux qui adorent des idoles aujourd'hui, le cheikh dit c'est-à-dire c'est pas les idoles ou les adorateurs d'idoles de l'ancien temps à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début, mais il parle ici de ceux qui adorent des idoles parmi les gens qui prétendent être sur l'islam. Et il dit que al-wathan en arabe ça peut être appliqué à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On peut appeler tout ce qui est adoré en dehors d'Allah wathan, comme par exemple une tombe, un arbre, une pierre, un djinn, un être humain, tout ça on peut l'appeler wathan, c'est-à-dire une idole, hein. Et on sait qu'il y a deux sortes d'idoles, il y a as-sanam wa al-wathan. Et as-sanam, c'est l'idole qui est gravée ou sculptée, hein, qui a une forme, soit animale ou humaine, hein, ou bien une statue quelconque. Tandis que al-wathan, c'est pas obligé d'avoir une forme quelconque. Ça peut juste être un objet, une chose inerte, ou un être humain, ou un animal, ou un astre, ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on peut l'appeler wathan, d'accord? Et donc, ceux qui adorent les tombes aujourd'hui, parmi ceux qui disent la ilaha illallah, eh bien, ces gens-là, le cheikh, il dit, ils rejettent en réalité ce qui est indiqué par cette parole, hein, de al-ikhlas, la pureté dans l'adoration qui doit découler de ce témoignage-là. Et ils prennent en animosité et en ennemi ceux qui appellent à l'application de ce témoignage de la ilaha illallah dans son sens pur et clair, et ils donnent le support et ils viennent au secours du shirk et des gens qui commettent le shirk, au lieu de défendre les gens du tawhid et ceux qui pratiquent le tawhid. Donc ça, c'est parmi les choses qui sont dommages et qui sont malheureuses à notre époque. Allahul Musta'an. Et le cheikh, il dit وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص فهذا الذي ذكرنا هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصدفه عن اتباع الحق والوحي وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. Donc le cheikh, il explique ici des choses qui sont reliées à la compréhension donc du témoignage de la ilaha illallah, et il parle d'Ibrahim alayhi salam avec son père et son peuple et comment il s'est désavoué, hein, du shirk de son peuple. Et il s'est désavoué également de son père et de son peuple parmi les mushrikines, comme c'est mentionné dans Surat Az-Zukhruf, le verset 26 et 27, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, il cite les paroles de Ibrahim alayhi salam à son peuple, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Il dit, certes, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car certes c'est lui qui me guidera, et il en a fait une parole qui restera dans sa progéniture. Donc cette parole, c'est la ilaha illallah. Hein? Il a fait de cette parole, hein, une chose qui va rester dans sa progéniture. Et cette parole, c'est la ilaha illallah, parce qu'il dit, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Et ça, ça équivaut à la ilaha illallah. Hein? Parce que إنني براء مما تعبدون. براء مما تعبدون, c'est-à-dire je rejette tout ce que vous adorez. Et ça, ça équivaut à la négation dans la ilaha illallah, c'est-à-dire la ilaha. Innani bara'u mimma ta'budun, ça équivaut à la ilaha. Et illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé, yani ça équivaut à illallah. Illa alladhi fatarani illallah. Donc innani bara'u mimma ta'budun, la ilaha. Illa alladhi fatarani illallah. D'accord? Donc ça représente l'affirmation et la négation. Et ça veut dire donc je me désavoue et je rejette tout ce qui est adoré, tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Je me désavoue pas et je renie pas celui qui m'a créé, mais je renie et je me désavoue de tout le reste. Parce que c'est Allah seul qui va me guider. Et il en a fait une parole qui reste dans sa progéniture, c'est-à-dire la parole de la ilaha illallah. Donc, Ibrahim alayhi salam, le bien-aimé d'Allah, il a exprimé donc cette parole de la ilaha illallah dans sa signification. La façon dont cette parole a été établie. Et ce qu'elle a indiqué, il l'a exprimé par le désaveu du shirk et la pureté dans l'adoration pour Allah seul, sans partenaire et sans associé, comme nous l'avons expliqué déjà. Et le shaykh, il dit, c'est ainsi que Ibrahim alayhi salam l'a prononcé cette parole, et il a dit cette parole, et il dit وَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يُقْبَلْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ. Donc celui qui dit cette parole et qui n'accepte pas ce que cette parole prouve ou indique comme pureté et sincérité, alors dans ce cas-là, cette parole qu'il dit, c'est un mensonge en réalité. Il n'y croit pas vraiment. بَلْ قَدْ عَكَّسَ مَدْلُولَهَا. En fait, beaucoup de ces gens-là aujourd'hui qui adore les tombes par exemple et les morts, ils ont inversé même sa signification et ce qu'elle indique, pour l'utiliser dans son sens contraire. Donc ils ont affirmé ce qui est nié de shirk dans cette parole et ils ont nié ce qui est affirmé de la pureté et de la sincérité dans l'adoration. Et il dit, ça c'est ce que nous avons mentionné ici, c'est la réalité de l'état de la plupart des gens dans cette umma après les trois premiers siècles. Et c'est pour ça que, en réalité, donc on dit souvent que l'islam maintenant c'est yani peut-être 1 milliard de musulmans ou plus, mais dans la réalité, lorsqu'on regarde, on voit clairement que, subhanallah, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans, mais en nom seulement. Donc c'est ça. Et le cheikh dit, et la cause de ça, c'est l'ignorance au sujet de la signification de la ilaha illallah. Et yani, si c'est pas l'ignorance, ça peut aussi être le fait de suivre la passion. La passion qui détourne les gens de suivre la vérité et de suivre la révélation et de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé par l'intermédiaire de ses messagers, du tawhid qu'il a légiféré pour ses serviteurs et qu'il a agréé pour eux. Donc le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce passage, il dit cette parole de Ibrahim, la ilaha, il dit فهذا معناه لا إله إلا الله قوله إنني براء وهذا معنى النفي وإلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله. Donc comme j'ai expliqué, c'est l'affirmation, la négation et l'affirmation. L'affirmation إنني براء, plutôt ça c'est la négation, pardon. إنني براء, ça équivaut à لا إله, et l'affirmation إلا الله. Tout à l'heure, j'ai inversé. Donc ça c'était une erreur. Donc l'affirmation c'est non c'est ça, la négation c'est la ilah. Donc innani bara. Oui, je m'étais pas trompé finalement. Innani bara'un, hadha ma'na an-nafi. Ça c'est la négation, ça équivaut à la ilah. Et illallah, ça équivaut à l'affirmation, c'est illa alladhi fatarani. Excepté celui qui m'a créé. Puis ensuite, le shaykh dit « وَجَعَلَهَا كَلِمَةً » أي « جَعَلَ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ مَضْمُونُ هَذَا النَّفِي وَهَذَا الْإِثْبَاتِ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ » أي في ذرية إبراهيم عليه السلام « فَلَا يَزَالُ فِيهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ » حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فأعاد دين إبراهيم عليه السلام دين التوحيد وأزال الشرك والوثنية. Donc il a fait de cette parole, c'est-à-dire il a fait de la ilaha illallah une parole qui comprend cette négation et cette affirmation et il a fait que cette parole qui comprend la négation et l'affirmation, qu'elle reste, il a fait qu'elle soit une parole qui reste dans sa progéniture. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens de cette progéniture-là, ou de la progéniture d'Ibrahim a.s. qui continuent justement sur le tawhid et qui adorent Allah seul. Et on a vu ça quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait revenir la religion d'Abraham, la religion du tawhid, et qui a éliminé le shirk et l'idolâtrie. Et ça, on le voit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendant du prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, par l'intermédiaire de son fils Ismaïl. Naam. Ensuite, le shaykh, il explique, il dit, yani, وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له وهو شيخ الفوزان وهو النفي والإثبات إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو معنى لا إله إلا الله. Donc le cheikh il explique que la signification de cette parole qui a été établie sur la négation et l'affirmation. Donc je me désavoue de tout ce qui est adoré excepté celui qui m'a créé, c'est-à-dire ça c'est la signification de la ilaha illallah, parce que le peuple d'Ibrahim alayhi salam, ils adoraient Allah, ils adoraient les idoles, et c'est pour ça que Ibrahim alayhi salam il dit je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté d'Allah, parce que ils adoraient eux aussi Allah, mais ils associaient avec lui et ils prenaient des intermédiaires avec Allah et des intercesseurs en dehors d'Allah. Donc Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de tout ce qu'ils adoraient excepté d'Allah, parce que c'est lui le créateur. Et il dit ensuite le cheikh wa fa hadha alladhi dhakarna huwa hal al-aktharin huwa hal al-aktharin. Et n'am, donc le cheikh dit wa huwa الذي ذكرناه من الانحراف في معنى لا إله إلا الله هو حال كثير من القرون المتأخرة لما بنيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعة وحصلت الشرك في هذه الأمة وعبدوا الأضرحة والقبور وهم يقولون لا إله إلا الله فيجمعون بين المتناقضات وبين قول لا إله إلا الله وبين الشرك. Donc le cheikh il explique ici que ce qu'on a mentionné de la déviation au sujet de la compréhension de ce que signifie la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il dit ça c'est l'état de beaucoup d'entre les gens qui sont venus dans les siècles suivants, lorsque des gens ont commencé à bâtir sur les tombes des lieux de culte, des mausolées, des choses comme ça, à l'époque des Fatimiyyin, des Shia en Égypte. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de formes de shirk se sont propagées dans la Ummah et que les gens ont commencé à adorer les tombeaux. Et ils disent « La ilaha illallah », que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, mais en même temps ils contredisent cette parole en n'adora des tombes et des morts. Donc ils ont réuni entre la ilaha illallah et le shirk. Donc ça c'est une contradiction. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite de ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma bihamdik. Donc on va, en fait c'est pas demain qu'on va continuer, c'est plutôt la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Donc inshallah la semaine prochaine bi'idhnillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.